Nouvelle saison. Une fleur dont je ne sais le nom flétrit au balcon de la fenêtre. Entre deux lieux et deux ailleurs, j'ai tendu une corde pour me sentir plus proche de toi. Nouvelle saison. Les pensées fleurissent sur la coursive commune des hommes sans âge. Au printemps, entre deux vents, j'ai tenu la corde et tiré une flèche pour atteindre l'autre rive. À la nouvelle saison d'un beau jour dans un mois d'une année mystère, je mourrai pour revivre, même si tu penses que je me suis éloigné à jamais.